gens invita le gars des villes à venir au trou normand passer un week-end tranquille. Viens donc respirer l'air pur, tu m'as l'air bien palichon, t'en as besoin à coup sûr tout autant que mes cochons. Rien de tel que la nature, se disait le citadin, pour oublier les factures et fuir les réveils matins. Les plaisirs faut les varier, je veux pas que mes pieds s'accoutument à sentir me renfermer, à ne goûter qu'au bitume. Avant de partir, il bourra le coffre de sa Sim Camille. Le Cronenbourg, il faut pas prendre de risques inutiles. Il stocka sur la banquette son téléviseur portable, une montagne de cassettes, il faut pas tenter le diable. Après avoir louvoyé des heures sur de drôles de route, sans voir l'ombre d'un café, c'est là qu'il eut comme un doute. Un vieux panneau d'avant-guerre affichait au trou normand, n'abîmez pas les ornières, respectez les chiens méchants. Il prit le chemin de terre en priant pour ses essieux, pour que les chiens cessent de se faire les crocs sur ses pauvres pneus. Comme il allait s'en sortir sans que sa caisse ne s'enlise, des chasseurs accueillant firent un carton sur son pare-brise. Son ami le campagnard lui dit salut, reste cool, vaut mieux qu'il tire sur ton chat que de tuer une de mes poules. Tu sais, tu tombes vraiment bien, je suis en train de labourer un petit champ de trois fois rien, viens bêcher à mes côtés. Par muet la terre, son dos implorait merci. À minuit, quand il rentrait, il marchait comme un zombie. Très tôt au petit matin, quand le coq l'a réveillé, il crut que c'était la fin du monde qu'il venait de chanter. Et quand on lui proposa de panser ses mains meurtries avec des feuilles de tabac et des ailes de chauve-souris, là il s'arracha vite fait sous les menaces d'un vieux chouan qui matait d'un sale œil ses drapeaux rouges autocollants.